Comme un loup-garou, il est venu me chasser. Il a trop consommé, il a vidé le sachet. Je fais la go, la go, la go. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a trop consommé, mais je crois qu'il a capté. Je crois qu'il a capté. Eh, eh, je crois qu'il a capté. Eh, eh, je crois qu'il a capté. Eh, eh, je crois qu'il a capté. Better test me neat, better test me neat. J'ai pas changé la recette depuis des décennies. Ouais, on se fait, baby. Si je suis disponible, je suis chargé comme l'emploi du temps d'une boss lady. Agent dans sa tête, qu'il est bête. C'est ton pote qui m'a vendu la mèche. Bam bam dans ta tête, oh qu'il est bête. Oublie pas qu'à la base c'était qu'un pari. Comme un loup-garou, il est venu me chasser. Il a trop consommé, il a vidé le sachet. Je fais la go, la go, la go. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a trop consommé, mais je crois qu'il a capté. Je crois qu'il a capté. Eh, eh, je crois qu'il a capté. Eh, eh, je crois qu'il a capté. Eh, eh, je crois qu'il a capté. Eh, eh, je crois qu'il a capté. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Mami skip your answer. We gaan niet lang doen, ik ben niet op land eens. Ik heb alles wat je wil, ja mati if nothing. Alsnog wil ik winnen met je body. Jou hebben in mijn life voor mijn hobby. Voor jou skip ik die mens voor je lobby. Oh girl, ik wil je lobby. J'mets la veste à 3 points, ce soir j'vais tout casser. Appelle-moi Billie Jean, ce soir ça va briller. Elle fait la go, la go, la go, elle sait pas ce qui va s'passer. J'veux la laisser tomber, mais est-ce qu'elle a capté? J'crois qu'elle a capté. Le temps, non j'ai pas le temps. J'ai chassé le vivalier.